Le CIC présente Chronique entrepreneuriale. En récompense de votre labeur, une demi-boule de pain noir. Une demi-boule, monseigneur ? Si ça vous fait trop, je peux donner moins. Monseigneur a raison, trop de mangeaille m'alourdirait. Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a gérée hier et qu'il peut être plus difficile de recruter et fidéliser ses salariés, le CIC propose une offre de prévoyance et de santé collective pour les aider à faire face aux aléas de la vie. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Contrat souscrit auprès d'ACM IRDSA et ACM VSA, entreprise régie par le Code des assurances. Voir conditions en agence et sur cic.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Notre série de cette semaine est consacrée à la notion de peuple. Après notre détour d'hier par l'Athènes démocratique de l'Antiquité, nous allons aujourd'hui nous rendre dans l'Angleterre du XVIIe siècle, où sont nées des œuvres majeures de philosophie politique. Le Léviathan de Hobbes, publié en 1651, est opposé quasi frontalement à celui-ci, et d'autant mieux que sa matrice de pensée empruntée à l'adversaire. En 1690, le livre de John Locke qui s'intitule de traité du gouvernement civil. Entre ces deux dates, 1651 et 1690, c'est un morceau d'histoire politique moderne extrêmement dense qui s'est joué en Angleterre. Les années 1640, pendant lesquelles Thomas Hobbes a fait paraître son livre Du citoyen et faisait mûrir son Léviathan, était une période de guerre civile sanglante. S'y est déployée la première révolution anglaise, celle qui a conduit à la décapitation du roi Charles Ier en 1649 et à l'installation de la République d'Oliver Cromwell, qui durera jusqu'à la mort de celui-ci en 1658. Autre décor en 1690, lorsque paraît l'opus de John Locke. La dynastie des Stuarts est revenue au pouvoir après Cromwell, avec la même tendance absolutiste qu'auparavant, combattue par les libéraux qu'on appelait les Whigs. Et en 1688, une nouvelle révolution, dite glorieuse, s'est produite, mais très différente de la précédente, car cette fois, il s'est agi d'une pure révolution de palais qui a installé enfin cette monarchie parlementaire respectueuse des libertés individuelles que les Whigs appelaient de leurs vœux et Locke avec eux. La question de philosophie politique qui court à travers toute cette histoire et à travers les œuvres de ces deux immenses penseurs anglais, Hobbes et Locke, c'est celle des conditions dans lesquelles un peuple peut exister politiquement d'une manière unie. Ces deux penseurs ont produit des théorisations décisives sur ce sujet, alors même que pour eux, la question était aussi terriblement concrète. Et d'ailleurs, il faudra y penser ce matin en reprenant cette question. Ne pas oublier le sang, les rues meurtrières, la peur constante qui entourait Hobbes, les conflits, les tentatives de coup d'État, l'atmosphère de changement de régime qui entourait Locke. C'est donc avec cette exigence, un peu historienne, que je formule le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Des individus ou bien un peuple. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe Philippe Crignon, maître de conférence à l'Université de Nantes et spécialiste de Hobbes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois chercheur pointu et vulgarisateur à propos de Hobbes, et puis vous connaissez aussi excellemment la pensée de John Locke. Vous êtes donc en quelque sorte l'invité idoine ce matin. Je renvoie les auditeurs vers notre site pour les références de vos travaux. Je ne citerai que votre dernier livre, « Représentation politique et transformation de la citoyenneté », écrit avec Christophe Miqueux, paru aux éditions Classiques Garnier en 2017. Et puis j'accueille l'historien Jean-François Duniac, maître de conférence en histoire moderne à Sorbonne Université. Bonjour. Bonjour. Et oui, j'y tenais à ce que la philosophie soit sur nos sujets cette semaine et ce matin en particulier en dialogue avec l'histoire. Vous avez, Jean-François Duniac, publié cette année une histoire de l'Écosse aux éditions Humain 6, donc en 2023, et vous avez réédité chez ce même éditeur, c'est une seconde édition mise à jour, votre histoire de la Grande-Bretagne, donc toujours aux éditions Humain 6. Je vous souhaite la bienvenue à tous les deux et je vous propose, pour réfléchir aux conditions dans lesquelles un peuple un peut-être est capable d'émerger de la multiplicité des individus, de nous mettre tout de suite dans l'ambiance historique qui était celle dans laquelle baignait Thomas Hobbes. En 1649, le roi Charles Ier est décapité. Ma cause est juste. Et mon Dieu charitable. Je vais d'un royaume corruptible vers un royaume incorruptible où aucun trouble ne peut exister. Souvenez-vous-en. Attendez mon signal. Rouge. C'est du sang rouge, tout comme le nôtre. Il était comme un dieu pour nous. Il était votre prisonnier, votre ennemi. Un homme qui a tué vos frères pour de l'or. L'avez-vous oublié? Vous ne serez plus des sujets à présent, mais des citoyens, des hommes libres n'ayant plus à s'agenouiller devant aucun autre homme. Vous êtes votre maître aux commandes de votre propre destin. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Vous venez d'entendre un extrait du film « La mort d'un roi » réalisé par Mike Barker en 2003. Et donc on entend la décapitation de Charles Ier en 1649. Certains découvrent qu'il n'a pas le sang bleu, il a le sang rouge. Il est un humain. Et la question se pose notamment pour Thomas Hobbes, philosophe, qui lui pense effectivement qu'il faut chercher des puissances humaines pour mater les passions humaines. Il est clair pour tout le monde que maintenant, c'est ce sujet-là, avec des humains et pas avec une référence divine immédiate, va-t-on arriver à créer de l'ordre et de la sécurité ? Philippe Crignon, c'est une manière d'introduire le problème de Hobbes ? Oui, alors la décapitation de Charles Ier a été un traumatisme pour Hobbes comme pour beaucoup d'Anglais. C'est la disparition du souverain et on se demande effectivement ce que devient un peuple lorsqu'il n'a plus de souverain. Est-ce que la souveraineté se répand, diffuse dans un peuple qui existerait malgré tout, ou est-ce qu'on retourne à une situation qui serait celle du désordre, celle de l'état de nature, finalement la perpétuation d'une guerre civile qui n'a peut-être que trop duré à ce moment-là. Et qui est en tout cas très concrète pour Hobbes. Jean-François Duniac, Thomas Hobbes cherche un pouvoir qui marche. Est-ce que pour lui, Oliver Cromwell et sa République, ça marche? Ah, c'est une grande question. Je vais juste revenir juste sur l'extrait sonore, 30 secondes, simplement. Évidemment. Pour dire une chose importante. La partie dramatique, jusqu'à la chute de la hache, ça correspond exactement à ce qu'on sait de la scène. Au-delà, on est ailleurs. Il faut quand même bien dire. L'idée du sang rouge, c'était de la fiction. Non, voilà, absolument. Le terme de citoyen ne pouvait pas être employé là. Merci de faire explication. Moi, ça m'aide bien pédagogiquement. J'ai bien aimé le film, au demeurant. Les acteurs sont magnifiques, mais cette scène-là, pour la seconde moitié, est parfaitement, on peut le dire, fausse. En tout cas, n'est pas étayée. Il y a quelque chose d'important dans ce 30 janvier 1649, avec l'exécution de Charles Ier, bien sûr, c'est qu'il a été exécuté au terme d'un procès qu'on pourrait qualifier de procès politique. Mais c'est un procès qui a été quand même organisé par une haute cour de justice, constituée notamment au sein de ce qui reste du Parlement, puisqu'il a été épuré à la fin de 1648. C'est ce qu'on appelle les purges de Pride. Et c'est véritablement une déchirure à l'intérieur même de cette grande institution qui est à la fois la monarchie et en même temps le Parlement. Car le souverain fait partie du Parlement d'Angleterre. Tous les actes du Parlement sont rendus au nom de King in Parliament, le roi en son Parlement. C'est vrai que nous, Français, nous n'avons pas cette habitude. Alors, on l'a quelque part, mais on ne l'a pas poussé même genre. Il ne faut pas oublier que le Parlement est à l'origine une institution normande. On pourra peut-être aussi en parler, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sont les affreux envahisseurs français qui sont les pères, en tout cas, qui ont porté l'origine de l'institution parlementaire en Angleterre. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on est bien d'accord, juste que vous parlez du Parlement, que l'un des gros problèmes était que la dynastie des Stuarts, qui est revenue sur le trône après la mort de la dernière Tudor stérile, semble-t-il, Elisabeth Ière en 1603. Oui. Donc d'abord Jacques Ier, puis Charles Ier, était accusé de maltraiter terriblement le Parlement. Alors oui, il y a une légende noire, j'allais dire. Le problème, c'est que là aussi, cette légende noire a été constituée à la faveur des crises du XVIIe et plus encore après, au XVIIIe et au XIXe siècle. Elisabeth Ière, la grande Elisabeth Ière, n'a réuni son Parlement que 10 fois, pour une durée totale de 3 ans et demi seulement sur 45 ans de règne, pardon. 1558-1603. En réalité, on a noirci, quelque part, la mémoire des Stuarts, qui en plus ont le mauvais goût d'être écossais. Et puis de vivre luxueusement. Luxueusement, etc. Alors, et puis d'épouser une catholique pour le deuxième, là, celui qui va être décapité. Évidemment, les Anglicans d'Anglais sont très, très, très inquiets. Et je voulais juste terminer là-dessus. Il y a quelque chose d'absolument crucial, là aussi, et dramatique pour, autour de cette exécution de Charles Ier. C'est que quelque part, c'est la représentation qui se débarrasse de l'incarnation. C'est-à-dire que les membres du Parlement, qui représentent, et je fais écho évidemment aux travaux de Philippe Cremer. Et oui, au mot près. Voilà, on a là quelque part d'absolument crucial dans cette scène, quand même dramatique, vous l'avez dit, du 30 janvier 1649. De l'incarnation à la représentation, c'est le titre de votre thèse, Philippe Crignon, qui est devenu un livre avec un sous-titre, l'anthologie politique de Thomas Hobbes. Elle a paru en 2012 aux éditions Garnier. Est-ce que vous êtes donc d'accord là pour dire que ce qui va se passer après, et pour Hobbes, il faut y aller franchement dans cette direction, c'est le passage de l'incarnation à la représentation. Quelle est la différence ? Elle est immense, et je pense qu'il y a un changement d'époque, effectivement. Je vais tout à fait dans le sens de Jean-François Duniac ici. Le moment de Whitehall signifie vraiment la fin d'une certaine conception de ce que c'est que le pouvoir, de ce que c'est que le royaume, la nature du royaume, la relation du roi à ses sujets, qui avait été largement pensé, effectivement, en termes d'incarnation, c'est-à-dire le royaume était un corps politique, le roi anglais avait un double corps, un corps naturel et le corps politique du royaume. Les deux étaient intimement imbriqués, l'un était dans l'autre et réciproquement, donc il y avait une forme d'inclusion réciproque et tout ça était rattaché à une conception théologico-politique du pouvoir. Ça n'est pas simplement que le roi reçoit son pouvoir de droit divin, c'est qu'il prolonge finalement un modèle dans lequel la transcendance donne finalement une mission au roi qui le dépasse. Et qui fait que le roi finalement intègre l'intégralité de son royaume en lui-même. Et ça, c'est un modèle que rejette Hobbes, parce qu'il repose sur toute une série de prémices théologico-politiques qu'il rejette, ne serait-ce que parce que ces prémices sont très contestées, et lorsque les principes sont contestés, finalement, on ne risque pas d'avoir la stabilité requise. Et il essaye de penser un nouveau modèle de constitution du peuple et la solution à laquelle il va aboutir. Mais ça va prendre beaucoup de temps, ça va lui prendre une bonne quinzaine d'années. C'est ce modèle de la représentation. Un peuple n'existe que lorsqu'il est représenté. Et la représentation, c'est pas pareil que l'incarnation. Non, parce que la représentation, elle implique une distance, voire une séparation, une relative séparation entre l'instance du pouvoir et puis l'ensemble des sujets. Et puis surtout, elle est humaine. C'est-à-dire, c'est un phénomène qu'on va construire avec des êtres humains en regardant comment fonctionne la nature humaine. Il n'y a pas besoin d'une référence transcendante de nature religieuse. Pour Hobbes, il faut regarder comment, c'est quoi l'anthropologie, comment ça marche les humains. Et notamment, lorsqu'il fait référence évidemment au livre de Job par son mot Léviathan, ce qu'on entend là, c'est que c'est une métaphore. Il aimerait bien construire une bestiole politique aussi puissante que ce tortueux, c'est-à-dire ce gros lézard qu'à la fin du livre de Job, Dieu envoie à Job pour lui montrer ce que c'est qu'une chose puissante. Sur terre, nul n'est son maître, il a été fait intrépide, il a bravé les colosses, il est roi sur tous les fauves. Eh bien, il faut trouver un colosse de ce genre humain pour Hobbes. Alors la question qui se pose est de savoir si le pouvoir qu'il va créer en théorie vient du peuple exactement, il vient de la nature humaine, ça il n'y a aucun doute. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt le pouvoir qui crée le peuple ? Question délicate et très importante que nous allons traiter à travers un extrait fameux du citoyen, puis j'évoquerai ce qu'il en reste dans le Léviathan de Hobbes. On écoute. Le nom de multitude, étant un terme collectif, signifie plusieurs choses ramassées. Et ainsi, une multitude d'hommes est le même que plusieurs hommes. Ce même mot étant du nombre singulier, signifie une seule chose, à savoir une seule multitude. Mais ni en l'une ni en l'autre façon, on ne peut concevoir que la multitude n'ait de la nature qu'une seule volonté, car chacun de ceux qui la composent a la sienne propre. On ne doit donc pas lui attribuer aucune action quelle qu'elle soit. Par conséquent, la multitude ne peut pas promettre, traiter, acquérir, transiger, faire, avoir, posséder, etc., s'il y a en détail autant de promesses, de traités, de transactions, et s'il ne se fait autant d'actes qu'il y a de personnes. De sorte que la multitude n'est pas une personne naturelle. Mais si les membres de cette multitude s'accordent et prêtent l'un après l'autre leur consentement à ce que de là en avant la volonté d'un certain homme particulier ou celle du plus grand nombre soit tenue pour la volonté de tous en général, alors la multitude devient une seule personne, qui a sa propre volonté, qui peut disposer de ses actions, telles que sont commander, faire des lois, acquérir, transiger, etc. Il est vrai qu'on donne à cette personne publique le nom de peuple, plutôt que celui de multitude. Lecture d'un fameux texte de Thomas Hobbes par Manon de la Salle, de l'équipe d'Avec Philosophie. Il est vrai qu'on donne à cette personne publique le nom de peuple plutôt que celui de multitude. C'est comme si Hobbes accentuait le fait que c'est un peu une convention. Et on retrouvera cela au fameux chapitre 16 du Léviathan, où il précisera que les humains en multitude, je cite, « forment une personne une ». Quand ils sont représentés par un seul homme et par une seule personne, alors certes, il faut le consentement de chacun des individus particuliers de cette multitude, mais il précise, c'est l'unité du représentant et non l'unité du représenté, qui en fait pour lui n'existe pas, qui fait la personne une. J'ai besoin de vos lumières, expliquez-nous. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple avant un pouvoir qui le représente et qui le fait en quelque sorte exister artificiellement ? Effectivement, la distinction entre la multitude et le peuple, elle est fondamentale chez Hobbes, parce qu'il y a le donné et puis ce qu'on pourra peut-être construire. Et le donné, c'est l'absence d'unité. Il n'y a pas d'unité naturelle, il n'y a pas d'unité même culturelle, ni même historique, ni même religieuse, ni même morale. Tous les événements ont montré le contraire, des déchirements, des dissensions, des querelles. Et puis des guerres civiles. Donc un peuple dans la nature, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'a pas d'unité. Lorsqu'il y a des unités locales, elles sont précaires. Elles ne peuvent pas durer. C'est comme si elles n'avaient pas d'unité. Donc finalement, on ne va pouvoir parler de peuple, pour Hobbes, qu'à partir du moment où on a stabilisé les choses et où on a une unité garantie, assurée sur le long terme. Et ça, eh bien, c'est effectivement de l'ordre de l'artifice. Et il va falloir passer par un contrat. Alors, un drôle de contrat. Hein, parce que c'est, on contracte pas avec quelqu'un qui va devenir notre pouvoir représentatif. Les individus contractent entre eux et décident, c'est une sorte de dispositif qu'ils mettent en place, que quelqu'un qui ne contracte pas, lui, qui n'a aucun engagement, qui va juste être de facto le plus fort de tous, va être leur maître et ils lui abandonnent tous leurs droits qu'il appelle naturel, n'est-ce pas, à se défendre par eux-mêmes, à faire valoir ce qu'ils entendent par leur liberté, etc. Donc, c'est un dispositif qu'on crée, pas vraiment un contrat entre un peuple et son chef, puisque ce peuple-là, il peut pas signer, il n'existe pas comme unité, c'est ça ? Effectivement, le peuple va être le résultat, le produit, au fond, de ce contrat, donc il ne peut pas être partie prenante du contrat, ni d'un côté comme si le peuple passait un contrat avec son chef, ou de l'autre côté comme si les citoyens passaient un contrat avec un peuple qui n'existe Mais pas encore. C'est pas ça du tout. Non. C'est donc chacun qui dit à l'autre, t'abandonnes tes droits, ok j'abandonne mes droits, on abandonne tous nos droits, et puis de facto il y a quelqu'un qui se retrouve à les avoir tous, les droits. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que les seuls protagonistes agissants au moment du contrat sont les futurs sujets et citoyens qui s'accordent pour désigner, alors un homme, mais pas forcément un homme. Ça peut être une assemblée, ça peut être une assemblée aussi majoritaire dans le cadre d'une démocratie, il ne l'exclut pas du tout. D'un point de vue théorique, c'est tout à fait tenable. Mais, allez-y, mais il a des préférences quand même. Alors après, il a des préférences, mais il fait la différence entre ce que l'on peut démontrer rationnellement, géométriquement, ouais. Et puis effectivement ce que le contexte peut appeler en termes de dispositifs plus pratiques qu'un autre, à ses yeux. Et ça, il le dit très clairement dans la préface du citoyen. Il a démontré l'ensemble de ses grands théorèmes, à savoir qu'il faut un souverain, un homme, une assemblée d'aristocrates ou de notables ou une assemblée démocratique. Oui. Et ensuite, il a exprimé sa préférence pour le modèle monarchique, mais ça, il ne l'a pas démontré. Oui, en même temps, il y a une logique. Je crois qu'il y a une phrase où il dit, c'est logique. Quoi. Pas, si on veut que le multiple soit réduit à l'unité, on ne va pas mettre du multiple dans le souverain. Il y a quand même une formule de ce genre où il dit, il faut que le souverain soit un. C'est le but. Donc, c'est plus simple s'il est un, vraiment. C'est-à-dire un monarque ou c'est une assemblée restreinte. Plus on élargit la notion de souverain, plus ça devient un peu contradictoire. Et l'idée que le peuple entier soit souverain, qui sera la position de Rousseau, n'est pas possible pour lui. Si ? Alors, elle est possible, mais dans un autre sens que celui que Rousseau lui donnera. Je reviens sur ce que vous avez dit. Effectivement, c'est beaucoup plus simple si on a un monarque, parce qu'il a une unité naturelle. Alors que si on passe par un souverain qui est déjà pluriel, il faut un second artifice qui le réduise à l'unité. Que l'Assemblée soit constituée comme une institution avec sa propre règle, par exemple une règle majoritaire. Et dans ce cas-là, il faut que le nombre soit, le nombre de membres de cette Assemblée soit impair. Mm-hmm. Enfin, qu'on ne tombe pas sur du 50-50. Alors voilà, on aurait à ce moment-là deux niveaux d'artifice, et ce qui complique la chose. Eh oui, ça complique. Bon, c'est pas impossible, ça complique beaucoup. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne à l'histoire, parce que, évidemment, il a tout cela en tête, Thomas Hobbes. Vous êtes historien, Jean-François Duniac. Quand il publie en 1651, on est sous le règne, enfin, c'est pas un règne, c'est un républicain, normalement, Oliver Cromwell, en Angleterre, c'est une parenthèse républicaine. Oui. Assez autoritaire, je crois, enfin vous allez m'expliquer, de Cromwell. Donc, pouvez-vous préciser cela et nous dire si Hobbes, au fond, il était séduit par ça, ça lui allait bien. Il faut pas se leurrer autour du terme, enfin par le terme, pardon, république, en l'occurrence Commonwealth. La réalité, c'est qu'effectivement, c'est une institution destinée au bien commun. Celle de Cromwell, vous voulez dire. Voilà, le fameux Commonwealth, qui est établi à partir de 1649, en réalité, à partir d'un peu après l'exécution de Charles Ier, qui était politiquement nécessaire et presque constitutionnellement nécessaire, même si. Mais c'est très concrètement une dictature militaire, en réalité, où le Parlement, ce qu'il en reste, c'est-à-dire le fameux Parlement Croupion, est tenu par les cadres de l'armée, sous la houlette du plus, heureux sur le champ de bataille d'entre eux, c'est-à-dire Olivier Cromwell, qui en fait est sorti. C'est un hobereau de campagne, quasi failli d'ailleurs 10 ans avant la Révolution, qui est sorti, qui a émergé d'abord des débats cruciaux des années 1640-1642, lorsque Charles Ier a été obligé de rappeler un Parlement dont il s'était passé pendant 11 ans, qui est devenue la tyrannie des 11 ans entre 1629 et 1640. Et surtout qui est sorti donc des débats pour, chausser les éperons et devenir particulièrement donc victorieux sur le champ de bataille. Il est sorti du champ de bataille quelque part, Cromwell. Et il faut pas oublier que là, à cette époque, 1651, c'est le moment où s'achève en fait l'extension de ce qui n'est plus véritablement une guerre civile, mais de ce que les historiens appellent depuis les années 70-80 la guerre des trois royaumes. C'est-à-dire que 1640 1649, c'est aussi un grand soulèvement en Irlande qui va conduire Cromwell à mater littéralement l'Irlande. Peut-être que 40% de la population de l'Irlande est morte directement ou indirectement de la répression cromwellienne contre ces catholiques irlandais, et dans la foulée, contre l'Écosse elle-même, qui est arraisonnée en 1651. Donc il faut vraiment avoir... Alors, dictateur, ça, c'est plus que clair ce que vous venez de dire. J'ai presque envie de poser hérétiquement la question. C'est comme un roi pour les Anglais ? Non. Quand même pas. Hein. Non, non. On lui proposera la couronne. C'est la fameuse seconde constitution écrite, la deuxième et dernière de l'histoire en 1657. Et lui-même va comprendre qu'il ne peut pas franchir ce pas, que les cadres de l'armée eux-mêmes le verraient d'un très mauvais œil et que même la population ne le suivrait plus. Est-ce pour ça qu'il n'a pas désigné de successeur comme le font les rois et que finalement, étonnamment, il meurt et qui revient au pouvoir ? Le Stuart en exil, Charles II. Alors, si je puis me permettre, qui vient au pouvoir ? D'abord son fils, dans un premier temps. Qui est incapable parce qu'il est d'abord trop jeune et il n'a pas la légitimité militaire vis-à-vis des cadres de l'armée d'assurer les choses. Puis deux successeurs, deux compagnons d'armes de Cromwell s'expliquent très rapidement, Lambert et Monk. Et c'est Monk qui l'emporte et c'est lui qui va chercher Charles II, littéralement, pour le ramener de Hollande, pour ouvrir la voie à la restauration de 1660. Alors, j'ai posé déjà deux fois la question, j'y reviens, j'y tiens beaucoup. Pour qui roule Thomas Hobbes en 1651 et dans les années qui suivent ? Je vous laisse l'historien d'abord répondre, et puis je voudrais ensuite l'avis du spécialiste de Hobbes, Jean-François. Philippe Crignon, d'accord. En premier, allez-y. Je vous en prie, Philippe. Pour qui roule Hobbes ? Alors, c'est difficile à dire, parce qu'on est dans une époque de transition. Hobbes tient à l'idée de la légitimité de Charles II, qui est roi des Jurés, à la mort de son père, de Charles Ier. Hobbes est d'ailleurs en exil à Saint-Germain-en-Laye au même moment que Charles II, dont il a été par ailleurs le précepteur, il lui a enseigné les mathématiques, enfin il est très proche. Proche des Stuarts. Oui. Et il les trouve pas très bons quand même. Politiquement, excusez-moi, mais qui les trouve très bons politiquement. Quand ils vont revenir, ils vont commettre les mêmes erreurs qu'avant Cromwell. Ils vont continuer à se moquer complètement du Parlement, à rêver d'un absolutisme à la française. Ils n'ont rien compris. Alors qu'ils avaient un fort pouvoir, ils n'ont pas réussi à le tenir. Et ça, Hobbes, il le voit très bien. Oui, c'est la raison pour laquelle, en réalité, il va revenir aussi en Angleterre. Alors, au moment de la publication du Léviathan, en 1651, alors, il l'a écrit en France. On oublie souvent, d'ailleurs, que ses deux principaux ouvrages politiques, le Dekiwe et le Léviathan, il les a écrits en France. Mais il publie le Léviathan à Londres. Donc, il anticipe sans doute aussi son retour. Et Cromwell, on pourrait imaginer qu'il y a un appel du pied à Cromwell, et je dirais inversement, réciproquement. C'est possible. Alors, il ne faut pas précipiter les choses. Par exemple, vis-à-vis de Charles II, il offre un exemplaire manuscrit du Léviathan quand même à Charles II. Donc il y a quand même une révérence faite au monarque légitime à ses yeux, et en même temps il pose comme principe que l'obligation est le corollaire de la protection. Et que, en l'occurrence, quand on est anglais, eh bien, on n'est plus si protégé que cela par Charles II, et que c'est Cromwell qui joue ce rôle en Angleterre. Et donc, parce qu'il a aussi des ennemis en France, auprès des catholiques notamment, eh bien, il va rentrer très vite en Angleterre. C'est un habitué, en fait, des exils précipités, Hobbes. Donc, il rentre précipitamment aussi en Angleterre, et eh bien, il reconnaît la légitimité de fait, finalement, de Cromwell. Alors, dernière question concernant Hobbes. Il dit Commonwealth, lui aussi. Quel lien il y a, honnêtement, entre la position hobbesienne et le républicanisme ? Est-ce qu'on peut dire la République, comme on le dirait, je ne sais pas moi, des républicains florentins, comme Machiavel, comme il est venant de Rome, enfin en tout cas en inspiration ? Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un autre monde que celui-là, dans la philosophie politique de Hobbes ? Philippe Crignon. Si, bien entendu, mais ça n'est pas innocent. De sa part, il aimerait bien se faire passer non, pour. Non, non. Alors, en fait, c'est triangulaire. Il y a Hobbes, il y a Cromwell et le Commonwealth of England, d'Angleterre. Et puis, il y a aussi un courant républicain, au même moment, en Angleterre, John Milton, Markham Anthony Needham, etc., qui défendent, eux, un peu, dans une inspiration machiavélienne, un modèle vraiment typiquement républicain. Mm-hmm. Et ce sont les adversaires philosophiques de Hobbes. Alors, typiquement, lui, il a des stratégies qui consistent, par exemple, à récupérer des concepts ou des termes, un lexique à ses adversaires pour les redéfinir, pour leur donner une définition qui lui paraît plus propre, intégrée à son système et pour montrer que bah, finalement il est tout à fait capable de penser ce que c'est qu'un bien commun, de ce que c'est qu'un état bien ordonné. Et on traduit souvent par bien public d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Duniac, de ce vocable de la République, à travers ce mot Commonwealth, qui rend difficile l'interprétation. Parce que c'est pas... Sur le plan institutionnel, rien ne renvoie à ce que serait une République, en réalité. Tout ce qui a été créé par la première constitution écrite de l'histoire de l'Angleterre, en réalité. Vous parlez de Cromwell, hein ? Oui, 1653, en l'occurrence. En réalité, c'est un parlement qui reste encore élu par un suffrage censitaire extrêmement, extrêmement rigoureux. On a à peu près 150 000 électeurs sur l'ensemble de la période. C'est extrêmement peu pour un pays de 5 millions d'habitants. C'est une institution, un conseil de gouvernement qui est en réalité nommé. C'est un, chef de l'État, puis Lord Protecteur, là c'est pour la fin de la période, qui a un droit de nomination absolu sur les ministres, alors absolu plus ou moins, en collaboration avec les institutions. Donc en fait, on a un système, une nouvelle fois, qui est parfaitement retranché de la population, à proprement parler. Ceux qui, justement, en appellent même au peuple, en l'occurrence à cette époque, oui. Je pense par exemple à des gens comme John Lilburn, qui relève du mouvement qu'on appelle les niveleurs, les leveleuses, oui. Vont d'ailleurs le payer de ses jours à la Tour de Londres, qui eux, effectivement, évoquent... alors c'est un philhomme qu'on retrouvera dans la période suivante jusqu'au XVIIIe siècle, notamment les fameux « freeborn Englishmen », c'est-à-dire l'anglais né libre. Donc même en monarchie, franchement, en Stuart typique, on aura cette espèce de vocable du ça, Commonwealth... Voilà, une espèce de petite... Alors pas une base continue, mais une petite, mais voilà, une petite musique, voilà. Voilà, une petite musique. Mais qui renvoie d'abord aux libertés anglaises. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Des individus ou bien un peuple? C'est notre question ce matin. Nous travaillons, si j'ose dire, avec Jean-François Duniac, historien, et Philippe Crignon, philosophe, autour et avec les œuvres de Thomas Hobbes et de John Locke dans la seconde moitié du XVIIe siècle en Angleterre. Alors l'ambiance, quand les Stuarts reviennent au pouvoir à partir de 1658, est à nouveau très difficile. Il piétine pas mal les libertés anglaises, le Parlement. Et donc John Locke, qui n'était pas spontanément dans sa genèse de ce camp-là, mais qui va le devenir progressivement, va rejoindre les idées de ce qu'on appelle les Whigs. Qu'est-ce que c'est que les Whigs, Jean-François Duniac ? Alors, c'est un épisode, et ensuite c'est une tradition politique qui ensuite va donner lieu à une historiographie. Vous avez évoqué la Restauration de 1660. C'est un grand soulagement en Angleterre que la Restauration. On remet enfin un peu de stabilité après, parce qu'on évoquait l'élection, après quand même 10 années de ce qui a, pour certains, été considéré aussi comme une dictature puritaine, c'est-à-dire une vision extrêmement rigoriste de la pratique religieuse et la population, les populations en réalité, il n'y en a pas qu'une, anglaises, galloises, écossaises et irlandaises sont littéralement épuisées après ce régime, on va dire, militaro-religieux. Oui. Ce que vont faire les Stuarts, Charles II, lorsqu'il arrive, en réalité, c'est aussi corseter en grande partie le Parlement et les institutions avec tout un train de lois, effectivement, notamment visant à évincer les puritains de la représentation des institutions municipales, parlementaires, étatiques, etc. Je fais court, mais en 1673 puis 1678 notamment, sont passées deux lois qui font interdiction aux non-conformes religieux, aux non-anglicans, on va dire, d'être fonctionnaires. Il faut être conforme. Or, en 1678, c'est le propre frère du roi, Jacques d'York, qui est obligé d'avouer quelque part, tout le monde le sait, qu'il est catholique. et que donc il ne peut techniquement pas exercer les fonctions, notamment celles de grand amiral de la flotte. Ça va donner lieu au Parlement entre 1679 et 1681 à un débat où vont s'opposer ceux qui veulent exclure, d'où le terme de crise de l'exclusion, exclure Jacques d'York de ses droits à la succession. Oui. Comment un catholique pourrait-il être fonctionnaire en chef de l'État, c'est-à-dire roi, à ceux qui, au contraire, vont essayer, au nom de la cohérence dynastique, de maintenir ses droits, ce sont les Tories. Donc les Whigs, en fait, ce sont deux insultes en politique, c'est-à-dire à la fois des voleurs de bétail écossais contre des bandits irlandais, catholiques contre presbytériens, oui, voilà, tout va bien. Ça va donner lieu à une crise que Charles II va magnifiquement gérer, après trois dissolutions du Parlement, dont une exclusion d'ailleurs un temps à Oxford, et en 1681, au terme de la crise de l'exclusion, Charles II arrive à maintenir les droits de son propre frère à la succession, ce qui permet à Jacques II, en 1685, d'arriver sans encombre sur le trône. Le problème, pas pour très longtemps. Pas pour très longtemps, parce qu'il va commettre toute une série de bévues. Voilà, alors, donc juste qu'on comprenne bien. Donc là, Hobbes n'est plus dans le coup, il est mort, enfin c'est fini, mais son livre, Le Léviathan reste, avec cette nostalgie. C'était pas vraiment une nostalgie, parce que c'était tellement nouveau ce qu'il demandait, un pouvoir absolu, très très fort, mais fondé dans les humains et pas dans Dieu. C'était ça, le Hobbes. Et là, on arrive à une génération qui ne voit plus vraiment le problème comme ça. Parmi les Whigs, donc, il y a un jeune philosophe, John Locke, qui est de plus en plus connu, et qui trouve que, hop, c'est pas possible de demander des choses pareilles aux gens, de se soumettre ainsi à un pouvoir sans lequel il n'y aura pas peuple. Un pouvoir terrible, très dur, qui exige une obéissance unilatérale. Et donc ce jeune John Locke, c'est pas du tout son truc, la théorie hobbesienne. Et puis il entre, devient un vrai Whig, puisqu'il entre au service de Lord Ashley, comte de Shaftesbury, en 1666. Qui est ce monsieur? Alors Shaftesbury, c'est un royaliste pendant la guerre civile, et c'est quelqu'un qui va être appelé aux plus hautes fonctions. Il sera quasiment co-premier ministre, on va dire, d'Angleterre, pendant quelques temps, pendant un épisode qu'on appelle le gouvernement dit de la cabale, peu importe. C'est quelqu'un donc qui va être appelé aux plus hautes fonctions et qui effectivement va rencontrer John Locke, qui va devenir son secrétaire, ni plus ni moins, avec lequel d'ailleurs il va travailler et qu'il va intégrer en partie dans l'appareil d'État, et avec lequel il va vivre la crise de l'exclusion dont j'ai parlé entre 1679 et 1681, qui justement va quelque part cristalliser cette opposition entre Whigs d'une part et Tories d'autre part, qui sans être encore des partis au sens propre du terme, vont être des mouvances politiques très bien identifié pendant à peu près 80 ans jusqu'au second tiers. Avec des petites tentatives de coup d'État, notamment contre Jacques II, à partir de 1685, c'est ça? Alors, 1683, effectivement, la chose est qu'effectivement, des radicaux, j'allais dire anti, alors à la fois anti-catholiques et des Whig ultra, on va dire, vont essayer de couper l'herbe sous le pied. C'est aussi une question dynastique qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Jacques II est le frère de Charles II, qui n'a pas d'héritier légitime. Jacques II n'a pas d'héritier encore directement. Oui, mais lui aussi, il épouse une catholique, il fait un bébé, enfin tout ça angoisse les Anglicans. Va littéralement produire une vague de panique en juin 1688, lorsque naît précisément cet héritier. On va même essayer de faire croire qu'on a kidnappé un nourrisson qu'on aurait produit au moment de la naissance. Enfin, toutes les fake news, si je puis me permettre, circulent en 1688. Et c'est là le spectre, littéralement, de l'installation d'une dynastie catholique, cliente de Louis XIV, de la France, cette fois-ci de façon pérenne, qui va motiver certains, notamment membres du Parlement, à faire un appel, j'allais dire, à l'extérieur pour renverser ce mauvais roi. Donc c'est pas une vraie révolution, disons, populaire, c'est une révolution de palais. C'est une révolution de palais. Donc qu'arrive-t-il en 1688? Je vous laisse. Alors donc sept parlementaires notamment, effectivement, on appelle à qui? Eh bien à la propre fille de Jacques II, qui elle a épousé donc Guillaume d'Orange, statoudeur de Hollande, chef militaire, d'ailleurs un ennemi acharné de Louis XIV, à venir sauver les libertés anglaises et le protestantisme. Et c'est ce qu'elle va faire en arrivant avec. Ce qui va se passer en novembre. À Hanovre, qu'elle a épousé, qui va. On change de dynastie. Non, on reste dans la même dynastie. Ah, quand on même, reste dans la même dynastie. C'est compliqué. C'est-à-dire que c'est la propre fille et le gendre qui se débarrassent du beau-père, enfin du père et du beau-père, Jacques II, qui est obligé de quitter donc l'Angleterre. Les Stuarts restent sur le trône jusqu'en 1714 avec la reine Anne. Ça n'est qu'en 1714 que la dynastie des Hanovre viendra sur le trône. Alors, nous arrivons à John Locke, qui lui est tout à fait favorable à tout ce que vous venez de décrire, car cette révolution dite glorieuse va produire la monarchie parlementaire, un Bill of Rights, une déclaration des droits. Le Parlement s'engage à la respecter, cette déclaration, en 1689. Et John Locke trouve là matière assez écho avec ses réflexions. On va lire un extrait de son second traité du gouvernement civil paru en 1690, c'est au chapitre 9, où il dit très bien que, contrairement à ce que voulait Hobbes, il est hors de question d'abandonner un pouvoir absolument tous ses droits. Il faut contracter avec lui, ce qui veut dire qu'il existe quelque chose comme un peuple avant qui peut contracter avec le pouvoir. C'est pas du tout comme ce que nous décrivions tout à l'heure chez Hobbes. On écoute à nouveau Manon de la Serre lire cet extrait de John Locke. Si l'homme, dans l'état de nature, est aussi libre que j'ai dit, s'il est le seigneur absolu de sa personne et de ses possessions, égal au plus grand et sujet à personne, pourquoi se dépouille-t-il de sa liberté et de cet empire ? Pourquoi se soumet-il à la domination et à l'inspection de quelque autre pouvoir ? Il est aisé de répondre qu'encore que dans l'état de nature, l'homme est un droit, tel que nous avons posé, la jouissance de ce droit est pourtant fort incertaine et exposée sans cesse à l'invasion d'autrui. Car tous les hommes étant rois, tous étant égaux et la plupart peu exacts observateurs de l'équité et de la justice, la jouissance d'un bien propre dans cet état est mal assurée et ne peut guère être tranquille. C'est ce qui oblige les hommes de quitter cette condition, laquelle, quelque libre qu'elle soit, est pleine de craintes et exposée à de continuels dangers. Et cela fait voir que ce n'est pas sans raison qu'ils recherchent la société, et qu'ils souhaitent de se joindre avec d'autres qui sont déjà unis ou qui ont un dessein de s'unir et de composer un corps pour la conservation mutuelle de leur vie, de leur liberté et de leurs biens. Chose que j'appelle d'un nom général, propriété. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. John Locke, sympathisant des idées de monarchie parlementaire, avec respect de droits individuels, John Locke donc donne dans ce texte et dans le reste de ce livre très fameux, sa théorie du contrat qui doit unir un peuple à son pouvoir représentatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence, là, majeure avec Hobbes, Philippe Crignon ? Oui, alors il faut bien voir que le second traité du gouvernement civil et l'ensemble des thèses que Locke y défend est le résultat d'une évolution personnelle aussi de Locke, parce qu'il est parti finalement d'une adhésion à la philosophie hobbesienne. Dans les années 1660, il écrit quelques textes qui vont tout à fait dans le sens hobbesien d'une défense d'un pouvoir souverain et absolu. Et c'est au fil de son travail aussi auprès de Shaftesbury que il va finalement considérer que la question des libertés devient prioritaire et que peut-être l'angoisse d'un déchirement de la société, de guerre civile, à n'en plus finir, que cette angoisse n'est peut-être plus aussi d'actualité dans les temps voilà autour de 1680, etc. Il faut préciser sur ce point que Hobbes n'arrête pas de recourir à cet argument. Ah, vous ne voulez pas mon absolutisme, hein, parce que c'est ça, sa souveraineté absolue. Vous préférez la guerre civile, vous voulez le chaos, vous voulez qu'on retourne dans les guerres sanglantes, etc. Donc, l'état de nature, la guerre de tous contre tous, c'est un argument constant qui au fond ne marche plus pour un Locke. Non, l'état de nature, il y a des conflits, mais enfin on se calme, on n'est pas toujours dans le pire. Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'état de nature, pour John Locke, eh bien, ça n'est pas nécessairement un état de guerre. Ça peut le devenir, il y a des menaces, mais l'état de nature, c'est déjà finalement l'esquisse de ce que peut être une communauté humaine. Parce qu'on crée des petits accords, on protège ses propriétés, on a des alliés, on peut se créer des petits tribunaux même pour arbitrer des différends. Bon, il vaut mieux passer pour lui à l'état civil, mais si un jour on devait revenir, parce qu'on a un pouvoir affreux face à soi, à l'état de nature, on pourrait survivre quand même. C'est pas le déchirement, c'est pas le néant comme ça l'est pour Hobbes, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une finalement une communauté humaine qui n'est pas totalement dépourvue. Mmh. Il y a des ressources naturelles, il y a une raison naturelle. Mmh. Cette raison naturelle nous fait connaître tout un ensemble de principes qui sont des lois morales, disons. Il y a du juste et de l'injuste. Il y a du juste et de l'injuste. Pour Hobbes, c'est chacun sa vision du juste et de l'injuste. Autrement dit, il n'y en a pas. Oui. Vraiment, à l'état de nature. Et alors, qu'est-ce qui fait, comment dire, qu'est-ce qui fait l'unité? C'est cette raison. Il y a une certaine, il existe quelque chose comme un peuple naturellement pour Locke, qui peut d'ailleurs contracter avec un pouvoir souverain, ce qui n'existe pas chez Hobbes. Qu'est-ce qui fait que ça doit se passer, voilà, qu'on sort de l'état de nature et que ça va se passer à un moment donné? Alors là où Hobbes voit une discontinuité absolue entre l'état de nature et puis l'état civil, Locke voit au contraire une évolution graduelle. Oui. Et ça n'est possible que parce qu'il y a déjà des germes finalement de liens sociaux à l'intérieur de l'état de nature. Ces germes sont constitués par la conscience que nous faisons tous partie finalement d'une grande société humaine et où nous avons pas seulement des droits, parce qu'il y a cette question-là chez Locke, nous n'avons que des droits à l'état de nature. Chez Locke, nous avons des droits, mais aussi des obligations, oui, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et nous sommes donc dépositaires déjà d'un certain nombre, finalement, de pouvoirs de régulation, mm-hmm, de cette grande communauté humaine, qui est trop instable, on le sait, parce qu'il y a quelques individus qui vont en profiter pour faire avancer leur pion, profiter de la situation, et vis-à-vis de ces gens-là, il faut disposer de protection beaucoup plus robuste. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, eh bien, les hommes vont quitter l'état de nature et finalement cette communauté humaine universelle qui n'a pas de frontières, mais qui est trop instable, pour constituer des communautés plus limitées et devenir des peuples, devenir déjà des, oui, des corps sociaux qui vont ensuite, et c'est ça, il y a deux étapes. Cette démocratie parfaite, comme il l'appelle, a besoin, pour perdurer, de déléguer un certain nombre de ses pouvoirs naturels, pouvoirs d'exécution des lois de nature, pouvoir également de créer des lois positives, donc un législatif qui va remplacer les lois naturelles qui restent non écrites. Oui. Et donc ce peuple préexiste aux institutions, ouais, qu'il va et met ses exigences. Il veut que ses droits soient respectés, et s'ils ne le sont pas, il s'autorisera à revenir à l'état de nature, c'est-à-dire à résister au pouvoir. Et il faut espérer qu'il trouve l'occasion de recontracter avec un autre pouvoir. Hein. C'est très clair à la fin du second traité. Mais enfin, ça peut arriver. J'ai la même question que pour Hobbes, même si elle sonne ici différemment. Locke a été utilisé par des républicains, des vrais, hein, les Américains, hein, qui ont beaucoup été séduits par beaucoup d'aspects de la pensée de Locke. Est-ce que Locke décrit une monarchie parlementaire ou déjà quelque chose qu'on pourrait appeler une république ? Sa théorie ne va pas dans le sens d'un modèle républicain au sens où nous l'entendons, ou même au sens où les fédéralistes américains l'entendront au siècle suivant. En revanche, la défense des libertés, la défense voilà, d'une certaine idée de la représentation limitée d'un pouvoir qui est sous surveillance finalement du peuple. Voilà quelques idées qui vont être reprises par les républicains. Mais ça n'est pas seulement Locke, ce sont plutôt aussi des gens comme Algernon Sidney, par exemple, hein, qui vont influencer les républicains américains. Jean-François Duniac, au fond, c'est toute la complexité de ce qu'on appelle le whiggisme, le monde des whigs, ces libéraux anglais qui sont farouchement attachés à leur liberté. C'est ça qu'il faut faire tout le temps valoir auprès de la couronne, c'est ça que le Parlement doit respecter. Mais au fond, au-delà de cela, certains diront... tout ça doit être vrai aussi dans une république. Et donc le whiggisme a pu donner lieu, après, c'est des monarques parlementaristes, mais a pu donner lieu à des idées républicaines qui seront réalisées plus tard ailleurs, par exemple aux États-Unis d'Amérique. Alors plus tard ailleurs, parce que, une nouvelle fois, le whiggisme tel qu'on l'entend est une construction 19e, 20e siècle en réalité. Nos whigs des 17e et 18e siècle s'appuient effectivement sur notamment les droits du Parlement, etc. Ce qui va poindre au XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le mouvement radical, qui à partir du whiggisme va réclamer des élections à l'assiette électorale beaucoup plus large, donc davantage de représentation, des élections qui parfois pourraient être annuel carrément, au lieu de se produire à peu près quand le souverain le décide, parce qu'il continue de pouvoir le décider, enfin il y a au moins pendant 7 ans, puisqu'il y a une loi septennale qui est passée. Donc il faut avoir ça en tête. Mais il est vrai que la Révolution américaine sera le moment d'une remise à plat de cet héritage politique, notamment de la Glorieuse Révolution, un peu comme le dira d'ailleurs John Pocock en évoquant les trois British Revolutions, c'est-à-dire les trois révolutions britanniques, 1640, 1689 et 1776, où tout cet héritage va être réinvesti, mais quelque part contre le système monarchique britannique métropolitain. Et comment Et voilà. C'est aussi le repoussoir. Alors maintenant, j'ai une ultime question qui sera un peu une conclusion naturelle de cette analyse du XVIIe siècle anglais sur le plan de la philosophie politique, c'est que Locke et Hobbes s'opposent dans leur conception du pouvoir, même s'ils ont une manière de le penser à partir d'une idée d'état de nature, de contrat, il y a des matrices de pensée communes, mais tous les deux sont pour la représentation. C'est précisément ce que quelqu'un comme Rousseau leur reprochera. Il sait très bien que Locke n'est pas hobbesien, mais au fond, il le rangera. Ce sera notre épisode de demain dans la même case de tous ces gens qui pensent qu'un peuple n'est vraiment politiquement à la hauteur que lorsqu'il a un bon pouvoir représentatif. Philippe Crignon. La représentation, c'est un concept qui traverse au fond tout le siècle, tout le XVIIe siècle anglais. Et ça a été développé par des personnes, des penseurs qui étaient parfois tout à fait adversaires avec des définitions très différentes de ce que c'est qu'une représentation. Et je pense que avec Hobbes et Locke, on a deux conceptions différentes de la représentation. Pour Hobbes, la représentation est constitutive d'une certaine forme politique qui est la forme de l'État moderne. Il n'y a de peuple que représenté et donc le peuple ne peut pas préexister à sa représentation ou être contre son représentant, ça n'est pas possible. Avec Locke, et il y a des étapes intermédiaires, la question devient celle aussi de la représentativité. Et c'est tout à fait différent. Parce que si, d'abord, ça oblige à penser que le législatif doit être dans un parlement, donc c'est-à-dire déjà dans finalement une pluralité qui doit avoir une certaine fidélité dans sa composition vis-à-vis du royaume tout entier et qui doit donc régulièrement aussi se comparer le représenté, le représentant. Et évidemment là, donc c'est une représentation aussi, c'est pour ça que Rousseau sera plein de grincements, mais chez Locke c'est très stimulant de penser le représentant. Il faut qu'il écoute le représenté, il y a un contrat entre eux, il est surveillé. Donc c'est quand même une représentation qui nous parle un peu de notre vision à nous actuelle de la représentation quand on est un démocrate ou un républicain un peu soucieux des représentés. J'aurais tendance à dire que oui. Oui, c'est un peu ça. Donc finalement, Locke complexifie la question de la représentation, mais à l'évidence, n'en sort pas. Together we will stand, every boy, every girl. On a quand même commis une hérésie, on a mis un groupe américain. Pour finir cette émission sur l'Angleterre du 17e, s'appelle Can't Hit. Mais en 1970, il chante une chanson terriblement anglaise, 17e, Let's Work Together. Et il dit même qu'on est We Stick Together. On ne peut pas vraiment, on ne devrait pas se séparer. You know, we made a vow to leave one another never. Ne jamais se séparer, qui était une grande question pour les Anglais du 17e. Merci à vous. Nous sommes dans notre série sur le peuple que nous prolongerons demain. C'est l'heure à présent de la chronique de Frédéric Worms. Pourquoi les philosophes distinguent-ils entre le « et le « est » ? Dans son premier livre important, dans son premier livre tout court, Gilles Deleuze, dans les années 50, avait fait une distinction capitale. Ce premier livre s'intitulait « David Hume, empirisme et subjectivité ». Et Gilles Deleuze y distinguait, au fond, entre deux sortes de philosophies, tout simplement. Il n'y aurait que deux sortes de philosophies, disait-il. Il y a les philosophies du « et » « et ». Et il y a les philosophies du « est » « est ». Quelle est la différence entre ces deux sortes de philosophies ? Selon Deleuze, c'était la différence entre deux compréhensions de la relation entre les êtres. Deux compréhensions qui diviseraient radicalement deux manières de penser philosophiques, les unes par rapport aux autres. Il y a d'abord ce qu'on appelait, avant Deleuze lui-même, les philosophies de la relation interne, c'est-à-dire le « est ». Entre les êtres, il y aurait une relation d'inclusion, d'adhésion, d'appartenance. Par exemple, un homme est un animal. Alors à ce moment-là, on range la catégorie des humains sous la catégorie de l'animal et finalement, le rôle de la philosophie, c'est d'inclure, comme des poupées russes, les êtres les uns dans les autres. Et on arrive à une philosophie de la totalité. C'est ce que l'on appelait, avant Deleuze, comme chez Bertrand Russell, la philosophie des relations internes. Les relations entre les êtres sont prises dans un grand tout, dans un grand système. Et la grande figure de la relation interne, c'est Hegel, avec le système de la totalité. Tout se tient, tout est dans tout. Nous sommes dans des relations d'emboîtement, les uns dans les autres. Alors arrive le petit mot « et ». E.T., selon Gilles Deleuze. Le « et » qui s'oppose au « est » et qui vient le saper de l'intérieur. Car selon Deleuze, le « et » c'est plutôt une philosophie de la relation externe, de l'extériorité radicale. Il n'y a pas de grand tout dans lequel nous serions. Il y a des singularités et il y a des contacts ponctuels, fugitifs, singuliers qui ne font que passer, en quelque sorte, du « et », du « ceci et cela » et encore « ceci et encore cela ». Il n'y a peut-être même pas de genre humain. Il y a vous et moi et lui et elle et un tel et une telle. Il n'y a que des différences et aucune totalité qui permette de les rassembler. Ainsi, Deleuze radicaliste. Selon lui, dès son premier livre, le principe de l'empirisme. L'empirisme, c'est le « et », « et », il y a des choses et nous apprenons à les relier plus ou moins. Et l'idéalisme, la philosophie dogmatique, comme on l'opposait parfois au scepticisme et à l'empirisme, c'est le « est », « est », ceci est cela, ceci est inclus dans cela. Et il y aurait des grands ensembles dans lesquels tout relier. Et Bertrand Russell avait fait la même distinction que Deleuze. Désolé pour ceux qui opposent les traditions philosophiques occidentales et analytiques, mais ce n'est pas la vraie coupure. La vraie coupure, c'est en effet celle de l'empirisme des relations externes ou au contraire de l'idéalisme des relations internes. Mais alors ajoutons une troisième position philosophique, bien entendu, car cette opposition est quand même trop radicale. Dans le « et » « et », il y a quand même du lien, il y a quand même des relations qui nous rapprochent de notre être, de notre existence. Nous sommes par des relations. Oui, il y a des « et » qui font ce que nous sommes. Il y a des « et » « et » qui nous disent ce que chacun est, « est ». Ce n'est pas une coupure radicale entre les deux. Il y a un empirisme du lien, un empirisme de la relation qui va plus loin encore. Cette émission a été réalisée par Riad Kera. Elle a été préparée avec Jules Barbier en particulier, puis toute l'équipe d'Avec Philosophie, Manon Delasselle, Carla Michel, Caroline Pernès et Aïda Ndiaye. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!